ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。どうですか。ありがとう、ありがとう、ありがとう、ありがとう。Créative. Do you know it's 2 a.m. here? The night bar will kill me soon. Da da da da da da. Thank you, Joe. Oops, Joe is gone. C'est pour la guitare. Mais Yuzi Sham, j'ai pris ma guitare hier et ça fait travailler un peu. C'est pas mal.